on est sur le new, ouais, on est sur le new. On se bat avec des fous pour récolter nos sous. Ouais, on est sur le new, ouais, on est sur le new. On est en putain de cabale, ouais, on perçait jusqu'au bout. On perçait jusqu'au bout. Ouais, on perçait jusqu'au bout. On perçait jusqu'au bout. Un gun dans les poches, on braque ta poche. Faut pas que ta petite pute pète sa coche. Le monde nous traite de moche, on fait des tripes de moche. On est écœuré d'être tout le temps dans le rush. On marche dans la slush, entends-tu la cloche? On boit de la boche et je ne veux entendre aucun reproche. On roule sur la 40, nos façons transpirantes. Faut livrer les magots de la voiture, la lumière flamboyante. C'est rien d'être caché, à mon coffre à gants. La cop c'est les bouches bées, il faut s'éclipser. On risque de nous tuer, la petite odeur du mal, ça vient étouffer. Il faut cacher le blé, la cavalerie est armée. Il faut cacher le blé, la cavalerie est armée. Ouais, on est sur le nous, ouais, on est sur le nous. On se bat avec des fous pour récolter nos sous. Ouais, on est sur de nous, ouais, on est sur le nous. On est en putain de cavale, ouais, on perçait jusqu'au bout. On perçait jusqu'au bout. Ouais, on perçait jusqu'au bout. On perçait jusqu'au bout. On vise le top, on est motivé, RMP nous arrêter partout où on passe. On veut faire du cash, pour moi je vois des liasses, tout au ramasse. Sur de nous on prend les pièces de ta face, qu'est-ce qui se passe? Jeune gangsta du noir, pourquoi tu menaces? Nous faire ici, on vit la vie rapide, personne nous dépasse, reste à ta place. Regarde ton arrière, y'a toute la cavalerie, on est en chasse. De trois mouvements, on déballe, prends des balles, on abat. Prends les gains, on décolle. De ta face, c'est qui la gasse qui va vouloir ma tête? Non, je suis pas une édière. Moi, je n'ai qu'à faire de tous ces magouilleurs. Me gâcher mon humeur, juste des faux frères. Qui des imposteurs vont tirer en plein cœur. Juste des faux frères. Qui des imposteurs vont tirer en plein cœur. En cavale. Ouais, on est sur le nous, ouais, on est sur le nous. On se bat avec des fous pour récolter nos sous. Ouais, on est sur de nous, ouais, on est sur le nous. On est en putain de cavale, ouais, on perçait jusqu'au bout. On perçait jusqu'au bout. Ouais, on perçait jusqu'au bout. On perçait jusqu'au bout. Yeah.